savais. C'est gâté, une défaite est concédée. J'ai gratté, j'ai posé, tous les fessiers vont secouer. Sur ce coup-là, je m'éclaircis, c'est pas comme si j'avais plus d'air. T'as fait si, t'as dit ça, mais tu te fais clash, j'ai de requière. Quand je pose, je m'expose à ce qu'on m'entende jusqu'à Dunkerque. DRK, à chaque mesure j'entends vos pères. Du pas la poussée comme Nicky, où on va te baiser en équipe. En effet, je suis surpris à chaque nouveau morceau de 3-6. Ironique, Ricky, s'appellerait-il Véronique. Avec tout ce qui se dit, serait-ce vraiment véridique. Pas besoin de verdict pour pouvoir dire que tu pues la merde. Sert à avoir un verre vide, c'est comme rebier sans bord de bière. Genre de la pub ponture avec des couteaux dans le dos. Je mets des gifles au losbo, mes masses qui sont costauds. Si t'en as marre, appuie sur stop. Quand je te fais peur, c'est que je me détends. Chibouk LCC, on rêve de la richesse sacrée. Suisse en t'explose dans le plexus. Quitte à faire du textile, la seule question tu testes qui. Quand on pose tu te fais ski. Si ta meuf sextote, c'est ton punchline ont du style. Ok. J'ai répété ton rap français, les jaloux m'empêchent d'avancer. 20 mecs, je rentre dedans tes PC. La prod, je l'ai fait sur MPC. D-I-B-O-U-G et LCC sont dans le QG. C'est pour mes audis, Jésus, je veux être riche comme Crésus. Que ceux qui ont des quicks en gros paniquent leurs aïeuls. C'est des grosses carbazayas qui aillent se faire poser. C'est une schneck à Pattaya. À part ça rien de gravat. Mon flow burn sur des gravats. Suis-je français? Ils me prennent trop de mailles. La concurrence n'est pas rude. Elle est louche. Elle ouvre trop la bouche. Elle se fait plaisir. Elle s'enfonce la pomme de douche. Y'a que les vrais qui savent. 5 litres de sang par la jugulaire. Si il y a eu adultère et que ton pote est suspect. Mon moteur est gonflé. Passe la 6 et mon revêt. Passe la tête que je puis gentiment mon jaquet. T-I-B-O-U-G et LCC sont dans le QG. C'est pour mes audits, ce Jésus, je veux être riche comme Crésus. Chibouk LCC, on rêve de la richesse sacrée. Suisse en t'explosant de plexus. Quitte à faire du textile, la seule question tu testes qui. Quand on pose, tu te fais ski. Si ta meuf sextote, c'est que nos punchlines ont du style. Chibouk LCC, on rêve de la richesse sacrée. Suisse en t'explosant de plexus. Quitte à faire du textile, la seule question tu testes qui. Quand on pose, tu te fais ski. Si ta meuf sextote, c'est que nos punchlines ont du style. Ok. A-B-O-U-G, LCC, ouais. Juste pour dire qu'on n'est pas mort, non. On vient mettre du plomb dans les cervelles, ouais. Black Crack Production, ma gueule, ouais. Aïe, Akan. Aïe, Switch. Aïe, OX. Aïe, MDH. Aïe.